La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Rien n'est plus précieux que notre souffle. Bien respirer, bien c'est la chose la plus naturelle au monde, mais aussi la plus oppressante lorsque les choses dysfonctionnent, et rien de pire que l'essoufflement. Il n'est d'ailleurs jamais normal d'être essoufflé. De très nombreuses maladies peuvent provoquer un essoufflement. De la pneumonie à l'asthme en passant par la bronchite et la mucoviscidose, nombreuses sont les maladies de l'insuffisance respiratoire. Comment reconnaître les symptômes de ces différentes pathologies? Quelles peuvent être les différentes prises en charge? Et quelles sont aujourd'hui les avancées de la recherche dans ce domaine? Eh bien, c'est le dossier cet après-midi de la tête au carré avec mes invités qui sont pneumologues et qui vont répondre donc à toutes vos questions. Sur le site de l'émission, vous nous rejoignez sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Et à la une de la science aujourd'hui, une étude sur la foule. Oui, la foule, c'est vrai qu'elle peut en effrayer beaucoup, mais on va voir qu'il est possible quelquefois de prédire son comportement. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, qui reviendra sur la polémique justement autour de la nouvelle formule du Lévothyrox. Fanny Boyon réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Les maladies du souffle, donc, dans un instant, ce sera notre dossier avec vous, Anne Bergeron-Laforie et Thomas Similowski. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue, vous êtes pneumologue. Thomas Similowski, il n'est donc jamais normal d'être essoufflé? Jamais normal d'être essoufflé. Et malheureusement, quand on est essoufflé, souvent dans les maladies chroniques, on a tendance à rationaliser, à se dire, bah oui, j'ai vieilli, je fais plus de sport, j'ai grossi. Le pire, bah, c'est normal, je fume. Mais être essoufflé, c'est comme avoir mal quelque part, et c'est jamais normal d'avoir mal quelque part, et c'est jamais normal d'avoir du mal à respirer. Il faut consulter. Anne Bergeron-Laforie, les maladies du souffle sont très nombreuses, hein, on va le voir avec vous, et parmi elles, des maladies rares qui peuvent toucher directement le tissu pulmonaire, par exemple. Des maladies rares qui, quand on les ajoute les unes aux autres, finalement sont nombreuses, ouais, et qui peuvent toucher le tissu pulmonaire, comme la fibrose pulmonaire ou les autres maladies du tissu, mais aussi les vaisseaux, ça peut aussi toucher les vaisseaux et les bronches. Ouais. En fait, n'importe quelle structure anatomique du poumon peut être l'objet et la cible d'une maladie rare. Des maladies rares ou des maladies qui concernent énormément de gens comme l'asthme, plusieurs millions de personnes en France. On en parle donc tous ensemble dans quelques minutes. Et puis bien sûr, vous répondez aux messages et aux questions des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de la Tête au Carré. Et donc à la une de la science aujourd'hui, une étude sur la foule. Perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdis, désemparés, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Voilà, très bonne description d'Edith Piaf pour la foule qui inspire aussi la science, Héloïse Rambert. Et oui Mathieu, et si je vous dis mouvement de foule co-humaine, qu'est-ce que ça vous inspire? Ben plutôt chaos, hein, justement, ou désordre. Alors quelquefois, ouais, mais pas toujours, elle peut aussi être un long fleuve tranquille. Alors jusque-là, les scientifiques qui s'étaient intéressés à elle l'avaient considérée non pas comme une entité en tant que telle, mais plutôt comme une collection d'individus, et ils étudiaient plutôt les interactions entre ces individus, un peu comme si on regardait qui influence qui dans un banc de sardines ou une volée de moineaux. Mais pour la première fois, des chercheurs en physique ont voulu étudier la foule comme un tout, comme un fluide qui s'écoule. Alors que il est difficile de recruter des milliers de personnes juste pour une expérience scientifique, ils ont observé une foule de personnes déjà constitués, ils ont choisi des marathoniens sur la ligne de départ. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Lyon où se trouve Nicolas Bain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien à l'ENS de Lyon, vous avez mené cette étude avec Denis Bartolo. Alors dites-nous, pourquoi vous êtes intéressé à des marathoniens plutôt qu'à une foule en délire comme un public de concert par exemple? Alors c'est vrai que le choix du dispositif expérimental a été crucial dans notre projet. Et donc, comme vous l'avez mentionné, on ne pouvait pas inviter un grand nombre de personnes dans notre laboratoire, alors qu'on avait besoin d'une grande foule de gens. Donc, les marathons, justement, répondaient à ce critère de rassembler plusieurs milliers à dizaines de milliers de personnes dans le même endroit. Et si on s'intéressait à un marathon plutôt qu'à une foule en délire dans un concert, finalement, c'est un peu par simplicité. Ok. Si vous voulez, dans un concert, ça pourrait être très intéressant à étudier, mais la dynamique qui sera en place, les mouvements qui vont se passer dans une foule en délire seront très difficiles à interpréter. Alors que dans un marathon, on était garanti que tout le monde allait être sur une route, marchant dans la même direction, et qu'on allait pouvoir plus facilement comprendre ce qui allait se passer. Et comment vous avez fait pour étudier cette foule, excusez-moi, vous l'avez filmée avec un drone, comment vous avez procédé? Alors, on aurait bien aimé mettre un drone, mais en fait, c'est extrêmement difficile pour nous d'obtenir les autorisations pour mettre un drone, donc on a fait plus simple. On a regardé tout simplement comment on pouvait observer, en fait, en prenant une chambre d'hôtel, un étage assez haut, par exemple au 20e étage, on a mis une caméra fixe. Qui filmait la foule et qui nous a permis d'obtenir ces observations. Et alors, cette foule, elle n'était pas complètement libre, elle avait des contraintes. Qu'est-ce qu'elle avait comme contraintes? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est une des spécificités du marathon qui nous a beaucoup intéressés, qui était que quand vous vous enregistrez pour un marathon, en fait, vous donnez le temps dans lequel vous allez courir, et cela va vous donner un groupe, un numéro de groupe. Donc, en fait, le départ du marathon est organisé en plusieurs groupes qui se suivent les uns les autres, et qui sont séparés par une ligne d'organisateurs qui souvent portent un gilet de couleur, un gilet jaune. Et en fait, ils vont guider la foule vers la ligne de départ. Et ils le font en séquence répétée de marche-arrêt, marche-arrêt. Donc ils marchent quelques mètres, ils s'arrêtent et ils recommencent. Et ces séquences, en fait, sont des perturbations données à la foule comme un matériau. Et nous avons pu observer et mesurer les réponses de chacune de ces foules à ces perturbations. Alors, qu'est-ce que vous avez observé en termes de vitesse de déplacement ou de mouvement en tant que tel? Alors, de façon assez surprenante, en fait, donc, dans le marathon, comme je vous l'ai dit, la vitesse à laquelle vous allez courir conditionne votre groupe. Et on observait les mêmes résultats, en fait, dans tout le marathon, que ce soit les coureurs très rapides ou les coureurs plus lents. Et ce qu'on a observé, c'est que les perturbations de vitesse donc, induites par ces lignes d'organisateurs, donc leur changement de vitesse, remontent la foule à une vitesse constante qui est à peu près 1,2 mètre par seconde, et dans tous les marathons, que ce soit à Chicago, à Paris, en 2016 ou en 2017. Donc c'est une sorte de vague quasiment que vous avez observée, hein, ça ressemble à ça presque, l'image que vous décrivez là. Alors ça ressemble exactement à une vague, tout à fait. Et donc c'est une vague qui remonte la foule, et donc exactement comme dans de l'eau où on lancerait une pierre, c'est une vague qui se propage. Alors la différence de l'eau, la vague qu'on a mesurée ne se propage pas dans toutes les directions, comme sur un étang, mais elle se propage seulement dans la direction inverse, à la marche des marathoniens. Et les changements d'orientation, eux, ne se transmettent assez mal, voire très peu. Voilà, exactement. Donc il y a une grosse différence entre les changements de vitesse de la ligne d'ordinateur et leurs changements d'orientation, qui, eux, on a mesuré, se diffusaient dans la foule, un peu comme une goutte de colorant dans un verre d'eau, et s'atténuaient en quelques secondes, donc sur une dizaine de mètres, en fait, cette information était complètement perdue dans la foule. Et ça, que ce soit donc à Chicago, à Paris ou ailleurs. Donc ce que vous nous expliquez, en fait, c'est qu'on a beau avoir une individualité, dans une grande foule, les interactions entre les individus importent peu. On se comporte comme des molécules dans un liquide. Oui, tout à fait. Ce que nous avons observé, c'est qu'à cette échelle, finalement, les détails des interactions entre les individus importent peu. Et pour vous donner une analogie avec la mécanique des fluides, par exemple, si vous regardez un liquide comme le vin, qui est somme toute assez complexe, il y a de l'alcool, des tanins, différents sucres, etc. Pour le modéliser à grande échelle, on n'a pas besoin de connaître les détails des interactions entre toutes ces molécules, parce qu'ils coulent exactement de la même façon que de l'eau, ou de l'huile, ou de la vodka, ou n'importe quel liquide simple. Et donc on a pu voir que c'était la même chose pour les foules humaines, on n'avait pas besoin d'avoir les détails des interactions comportementales entre les individus, mais qu'on pouvait le modéliser en grande échelle avec les mêmes outils de la mécanique des fluides. Mais ça, Nicolas Bain, est-ce qu'on peut vraiment en faire une généralité pour toutes les foules? Parce que là, le marathon, c'est quand même un cadre de foule très particulier où tout le monde court dans la même direction, vers la ligne d'arrivée. Or, toutes les foules ne se comportent pas du tout de la même manière, j'imagine, non? Ah oui, oui, évidemment, c'est une bonne question. Donc, on est à peu près sûr que nos résultats seraient généralisables à toutes les foules de personnes qui vont dans la même direction, donc ça soit les courses à pied ou en France on pense souvent aux manifestations. Mais par contre pour ce qui est des autres foules qui pourraient être plus denses, par exemple comme les concerts où les personnes seraient amenées à se toucher, là on aurait besoin d'autres études parce qu'on aurait certainement un comportement qui serait plus proche d'un comportement solide à cause d'interactions très proches entre les personnes. Et ce que votre travail montre aussi, c'est que c'est très difficile de manipuler le mouvement des foules. Il ne suffit pas qu'un petit groupe d'individus agisse différemment pour emporter la foule, justement. Oui, tout à fait. Vu qu'on a montré que les informations, que les changements d'orientation se propageaient très peu dans la foule, c'est-à-dire que si un petit groupe de personnes changeait de direction dans la foule, finalement, les autres personnes autour ou à une distance de plus d'une dizaine de mètres ne le verrait même pas. Donc si vous voulez réorienter une foule, en fait, ça ne sert à rien de faire changer la direction de quelques personnes au sein de la foule. Merci beaucoup Nicolas Bain, je rappelle que vous êtes physicien, hein. C'est l'objet donc de ce travail qui vient d'être publié, et vous travaillez à l'ENS de Lyon. Merci beaucoup, merci au bureau de Radio France à Lyon qui ont permis ce duplex, et puis Héloïse, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'intelligence artificielle pourrait aider les médecins à diagnostiquer des maladies génétiques rares. C'est ce qu'on apprend dans la revue Nature. De nombreux syndromes génétiques se caractérisent chez les patients par des traits du visage typiques et reconnaissables. Une nouvelle technologie d'analyse faciale qui s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage sera donc capable d'identifier avec une grande précision ces caractéristiques physiques et de proposer des diagnostics possibles. Et si la monogamie, c'était dans les gènes, eh bien des chercheurs de l'Université du Texas ont analysé l'activité des gènes dans le cerveau de grenouilles, de rongeurs, de poissons et d'oiseaux, et leurs résultats suggèrent qu'il pourrait exister des caractéristiques communes aux animaux monogames. Malgré des structures cérébrales et des histoires d'évolution très différentes, ces animaux semblent tous avoir développé la monogamie en activant et en désactivant les mêmes ensembles de gènes, ce qui laisse penser qu'il existe une sorte de stratégie génomique pour devenir monogame que l'évolution a exploité à plusieurs reprises. Et puis le foie gras en Californie, c'est fini. La Cour suprême des États-Unis a décidé d'interdire la vente des produits issus du gavage d'une volaille dans le but d'agrandir son foie dans cet état donc de la côte ouest. Elle met fin à des années de bataille entre les défenseurs de la cause animale et ceux de ce mets typiquement français. Les producteurs de foie gras ont bien tenté un recours auprès de la plus haute juridiction américaine, mais il a été rejeté. La loi était entrée en vigueur en 2012 au nom de la cruauté faite aux animaux avant d'être suspendue. Allez, les maladies du souffle, dossier de la tête au carré dans un instant. My anger radiate, my brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger radiate, my brutality disseminate. Still feels empty around me, but now I can bear the vacancy. If you rise with the sun, we will rise together. Battles only just began and I'm going under. If you rise with the sun, we will go together. Dragging myself down so deep and low, so red. But I know from the radio the world's changed all around. And I am in danger to be the danger, the quiet anger that troubles water. Smile on my face, I'm going under. Fear radiates, lights up a fire. You feel my anger. Brutality disseminates. Still feels empty around me. But now I can bear this. À l'instant, c'était Jeanne Adède. tête au carré. Voilà, est-ce que c'était Gravity, ça, justement, Fanny Bouillon, ce qu'on entendait? Voilà, c'était Sandra Bullock, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans le film Gravity, avec cette respiration du début du film, hein, qui est assez oppressante, pour parler donc cet après-midi des maladies du souffle, dossier donc de l'émission, avec mes invités, Anne Bergeron, vous êtes pneumologue, vous exercez au sein de l'hôpital Saint-Louis, et puis Thomas Similowski, également pneumologue et directeur de recherche neurophysiologie respiratoire expérimentale et clinique à l'INSERM, et vous êtes vice-président de la Fondation du Souffle, avec déjà beaucoup de questions, vous imaginez bien des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On en parlait justement hors antenne, Anne Bergeron et Thomas Similowski. En préparant ce dossier, j'étais sidéré par le nombre de personnes concernées par les maladies du souffle en France et dans le monde d'ailleurs. Rien que l'asthme, on est à combien de millions de personnes aujourd'hui, Anne Bergeron, en France? C'est 5 ou 6 millions? 6 millions. Ouais. Et en augmentation clairement, avec des profils d'asthme qui se modifient, beaucoup d'allergies pendant très longtemps et de plus en plus d'asthme la deuxième partie de la vie, vers 50 ans, pour des causes qui sont mal identifiées encore aujourd'hui. Ah bon, on a quand même une idée sur la question, j'imagine, non? Probablement ce qu'on respire, entre guillemets, puisque c'est finalement la qualité de l'air, tout simplement. La qualité de l'air et de ce qu'on y met, intentionnellement et personnellement, ou globalement. Mais en tout cas, oui, il y a une augmentation claire de la prévalence de l'asthme. Ouais, Thomas Similowski, les maladies du souffle alors, sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui? Alors de plus en plus nombreuses, on a parlé de l'asthme, il y a une autre maladie très importante qui a un nom horrible, très difficile à mémoriser, qui s'appelle la BPCO. Le BPCO, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Faut bien retenir d'ailleurs, parce qu'elle est très concernante elle aussi. Hein. Oui, tout à fait. Et on estime en France qu'il y a environ 3 millions de patients qui sont touchés, mais on n'en sait rien, c'est probablement plus, parce qu'il y a un sous-diagnostic, on le disait en ouverture de l'émission. Quand on est essoufflé, on rationalise un peu, on consulte tard. Il y a beaucoup de gens qui sont probablement malades, mais qui n'ont pas encore été diagnostiqués. Et ça, c'est 3-4 millions de personnes. Et c'est le tabac, la cause principale. Oui. Donc ça, c'est clairement identifié. Clairement identifié. Ouais. Mais notre environnement aussi, en dehors du tabac, il joue beaucoup, j'imagine. Notre environnement joue indéniablement. Il va aggraver les choses. Les anomalies de l'environnement, pour les appeler de façon générale, à l'inclusion de la pollution. Pollution, mais pas qu'atmosphérique, hein. Pollution au domicile, pollution au travail. Ouais. Ça va bien sûr créer des maladies respiratoires, ça va beaucoup aggraver l'état de santé des gens qui souffrent déjà de maladies respiratoires. Anne Bergeron, il y a des études épidémiologiques très précises sorties sur la question, une très récemment publiée dans The Lancet, qui justement se projette dans l'avenir. Qu'est-ce qu'elle montre alors dans les décennies qui viennent? Une augmentation claire de la BPCO, en partie liée d'ailleurs au vieillissement de la population, avec une augmentation de la part de la mortalité. En fait, ça devient la BPCO, qui était actuellement la 9e maladie la plus fréquente, va devenir la 4e en 2040, avec une augmentation de la mortalité de cette pathologie. Ouais, donc ces maladies du souffle, et vous me le disiez aussi hors antenne, pas assez de pneumologues pour les traiter aujourd'hui, c'est un vrai problème. Probablement, pas assez de pneumologues, et notamment pour les dépister, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, puisque BPCO, comme c'était dit, repose sur un diagnostic de mesure du souffle, et effectivement, pour mesurer le souffle, on manque de médecins capables de le faire. Ouais. Alors, on avait déjà eu l'occasion de parler de ces maladies du souffle, Thomas Similowski, avec vous. Et vous nous disiez qu'effectivement, l'essoufflement pathologique, c'est pire que la douleur. C'est vraiment le message que vous aviez diffusé au micro. C'est pire que la douleur parce que quand on est essoufflé à cause d'une maladie, la première chose qui vient, c'est la peur. Et on va immédiatement avoir peur de mourir. Et même les gens qui ont des maladies qui donnent des essoufflements depuis très longtemps, les asthmatiques qu'on ferait de très nombreuses crises, eh bien, quand il y a une crise d'essoufflement, il y a toujours cette arrière-pensée. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais pas en mourir? Et c'est en ça que c'est pire que la douleur. C'est vraiment cette association intime à la peur. Ouais. La dyspnée, alors qu'est-ce que c'est? Alors la dyspnée, c'est le terme de jargon que nous employons, nous, en médecine, pour parler d'essoufflement. C'est un terme qui est... Essoufflement est un peu ambigu. C'est un symptôme. C'est un symptôme. La dyspnée, c'est un symptôme. Dyspnée, c'est souffrance respiratoire. J'ai du mal à respirer. C'est l'association de je m'aperçois que je respire, ce qui n'est pas normal. Quand vous respirez, vous ne vous rendez pas compte. Et non seulement je m'en aperçois, mais en plus, il y a un affect négatif. Il y a une émotion négative. Ça m'angoisse. Si vous faites du sport, vous êtes très essoufflé. Mais il y a récupération rapide. Ça peut même être satisfaisant, ça peut être euphorisant. Vous êtes bourré d'endorphines parce que vous avez bien couru et vous savez très bien que ça va s'arrêter. Quand vous allez arrêter l'exercice, ça va diminuer. Donc, vous avez la sensation respiratoire, mais vous n'avez pas la peur qui va avec et l'affect négatif. Donc, c'est un essoufflement, mais c'est pas grave. Tandis que la dyspnée, c'est cette définition. C'est je sais pas ce qui se passe. Est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais survivre? Donc c'est le signal d'un dysfonctionnement et dès lors que justement on enregistre cet essoufflement, il faut s'en inquiéter. Hein. Absolument. Ouais, ça c'était aussi. C'est la grande difficulté de notre métier. C'est très facile quand vous avez une réduction de vos capacités respiratoires. Mm-hmm. Très facile de pas l'éprouver. Il suffit de diminuer votre activité. Donc si vous êtes un grand sportif et que vous développez progressivement une maladie respiratoire, vous allez faire moins de sport. Donc du coup vous plaindrez moins. Donc du coup pourquoi aller consulter? Et donc c'est ça ce problème que nous avons, c'est de voir les malades très tard, parce que il y a eu toute cette phase de rationalisation, d'adaptation, qui fait qu'on essaye, on a un déni du symptôme souvent. Anne Bergeron, c'est une façon de se rassurer hein, sur quelque chose de très angoissant effectivement, qui est lié à quelque chose de tout à fait vital. De se dire qu'on n'a pas de mal à respirer, ça, oui, en fait. C'est ça, la limite, quand on voit un patient et qu'on discute, qu'on l'interroge, c'est très important l'interrogatoire sur... si on demande à un patient, est-ce que vous êtes essoufflé, qui a une maladie respiratoire, hein, qui pour nous, entre guillemets, qu'on va finir par étiqueter ayant une dyspnée, il va nous dire non, et il faut creuser, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faisiez comme activité il y a 3 mois, est-ce que vous montiez vos étages, est-ce que là vous vous arrêtez au deuxième avec les courses, et donc c'est un interrogatoire qui est vraiment très très important, très précis dans l'activité de tous les jours, parce que spontanément, on va pas forcément dire qu'il y a 6 mois, mais déjà, il y avait des choses un peu différentes. Mais il y a une sorte d'échelle de l'essoufflement, justement, que vous essayez d'établir, comme ça, en posant ces questions, j'imagine. Alors après, il y a l'échelle qui correspond à l'échelle visuelle analogique qu'on utilise pour la douleur et qu'on peut utiliser pour la dyspnée aussi, qu'on fait probablement pas suffisamment de façon factuelle et objective. Et ça, c'est le patient qui va déterminer s'il se sent essoufflé et à quel niveau. Et puis, il y a aussi l'interprétation du médecin et du pneumologue, de savoir si effectivement la dyspnée est anormale. Et puis, comme le disait tout à l'heure Thomas, de grands sportifs va passer d'une... Enfin, la sensation de dyspnée va être plus tardive et il ne va pas forcément se rendre compte tout de suite qu'il a un problème respiratoire. Patrice nous demande comment est-ce qu'on explique qu'un mauvais sommeil engendre des difficultés respiratoires concomitamment à une accélération cardiaque lors du moindre effort. Thomas Similowski, comment on doit comprendre cette question? Alors, je ne sais pas bien... J'ai envie de dire que c'est plutôt l'inverse que nous constatons souvent, c'est-à-dire qu'une mauvaise respiration va engendrer un mauvais sommeil. Mmh. C'est par exemple ce qui se passe dans le syndrome des apnées du sommeil, où les voies aériennes supérieures vont se fermer de façon répétitive, parfois 50 fois dans une heure, et c'est comme si on vous étranglait, sauf que là c'est vous-même qui vous étranglez de l'intérieur. Et du coup vous arrêtez de respirer, l'oxygène baisse, le cerveau se réveille, j'ai dit se réveille, donc du coup le sommeil est mauvais, et il va y avoir aussi un stress très important, et du coup... D'où l'accélération cardiaque qui est décrite dans la question. C'est une espèce de stress. On vous étouffe. Alors vous vous réveillez, vous êtes stressé. La conséquence de ça, c'est 2 choses. Vous allez être somnolent dans la journée, avec un gros risque d'accidentologie. Mmh. Et puis surtout, vous allez augmenter votre risque cardiovasculaire. Parce que ces à-coups de production d'adrénaline la nuit, ça va augmenter les arythmies cardiaques, les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, 5% des adultes français. Ah oui, quand même. 5% des adultes français. Et là aussi, quelque chose à prendre très au sérieux. Très au sérieux. Ouais. Et qui est une des maladies de l'appareil respiratoire qui n'est pas une maladie du souffle. On n'est pas essoufflé quand on a les apnées du sommeil. Mm-hmm. C'est le paradoxe. Mais c'est une maladie très importante. Vous parliez du tabac tout à l'heure comme étant le responsable numéro 1 finalement de ces maladies du souffle. Charles nous demande si vous pouviez donner votre avis sur les risques de la cigarette électronique justement sur les maladies respiratoires. C'est une question qu'on vous pose souvent, Anne Bergeron. C'est une question qu'on pose souvent. Ouais. Après, c'est un petit peu difficile de répondre. Il y a des choses factuelles et puis il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que le risque à très long terme de la cigarette électronique, on ne connaît pas bien. Ce qu'on sait, c'est que dans la cigarette électronique, on n'a pas les cancérigènes qu'on connaît dans le tabac. Ça n'émet pas de monoxyde de carbone. Et ça, on sait à peu près que ça limite les effets toxiques de la cigarette en termes de cancer et de risque cardiovasculaire. Après, la cigarette électronique aujourd'hui, je crois qu'elle est concevable comme une aide à l'arrêt du tabac, mais c'est pas un substitut, c'est pas non plus un outil qui va être à utiliser pendant très longtemps. Ça va pas remplacer la cigarette pour une utilisation prolongée. Mais sur les maladies du souffle, Thomas Similowski, alors clairement, si un patient vous dit j'arrête le tabac et je remplace par la cigarette. J'ai envie de citer le professeur Bertrand Dotzenberg qui travaillait à la Pitié avant, qui était un grand militant anti-tabac, vous le savez. Il le dit toujours, sur la cigarette électronique, rouler sur l'autoroute à 150 km/h, c'est pas bien, c'est dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que de rouler à contresens. Oui, d'accord. C'est vraiment une bonne métaphore pour le parallèle cigarette électronique-cigarette. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. On parle donc des maladies du souffle et les messages des auditeurs sur le site de La Tête au Carré. Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Que nos mains ne tiennent plus ensemble? Moi aussi je tremble un peu. Puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane. Partons, allez, viens. Allez, viens. Bientôt mes os sont dans le vent. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez viens. Allez. De Raphaël en 2005 et à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Voilà, les maladies du souffle avec mes invités pneumologues Anne Bergeron et Thomas Similowski. Vos messages qui arrivent nombreux sur la boîte mail de la tête au carré sur franceinter.fr avec des questions, beaucoup autour de l'asthme, évidemment, on va y venir dans un instant. Un mot d'abord peut-être, Anne Bergeron, sur ce qu'on doit bien distinguer quand on parle très globalement des maladies du souffle, alors hein. Alors déjà, il y a le souffle entre guillemets chronique. On a parlé tout à l'heure de problèmes respiratoires et de souffle sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y a aussi les maladies aiguës et notamment les infections respiratoires. Donc là, c'est une maladie du souffle aigu. En ce moment, c'est la période virale, beaucoup de virus qui circulent, donc extrêmement fréquent. Oui, c'est, de la grippe. C'est ça. On oublie qu'avec la grippe, il y a aussi ces difficultés respiratoires. Tout à fait. Ouais. Un des premiers symptômes, c'est la toux. À côté du souffle, il n'y a pas que le souffle. Il y a la toux, l'expectoration, enfin les crachats. Donc, les virus respiratoires sont extrêmement fréquents. Mais faut aussi dire que la pneumonie aiguë communautaire, c'est 500 000 cas par an. Donc, c'est extrêmement fréquent. Puis, à côté de ça, il y a des infections qui sont en train d'émerger ou qui ont déjà émergé, qu'on redécouvre, qui étaient les infections dites opportunistes au moment de l'épidémie initiale du sida, et qui sont des maladies dites opportunistes et qui sont fréquentes avec des médicaments maintenant qui se développent, qui sont immunosuppresseurs, qui diminuent les défenses immunitaires. immunitaire pour des maladies chroniques inflammatoires diverses et variées, et donc qui sont susceptibles de se compliquer d'infections respiratoires et qui sont de plus en plus fréquentes. Ouais. Mais avec des maladies qui font leur réapparition, c'est ce que vous laissez entendre avec des maladies aussi ? Oui, enfin des maladies qu'on connaissait et qui étaient effectivement décrites dans des profils d'immunosuppression particulières, et ces profils d'immunosuppression sont reproduits avec des nouveaux traitements, entre guillemets, notamment les biothérapies qui ciblent les maladies inflammatoires. Thomas Similowski, alors les maladies des bronches justement, ça c'est une des grandes familles précisément des maladies respiratoires. Oui, les maladies des bronches, alors il n'y a pas vraiment de maladies des bronches pures, il y a toujours l'ensemble de l'appareil respiratoire qui est concerné à divers niveaux. Mais dans ce qu'on classe dans les maladies des bronches, il y a deux grandes maladies, l'asthme, qui est une anomalie principalement d'inflammation bronchique et de réaction anormale des bronches qui vont se fermer trop fort en réponse à une allergie, une infection, un changement de température. Et la deuxième grande famille, c'est la BPCO, qui est une maladie destructrice, aussi inflammatoire, où on va progressivement détruire les bronches, détruire le tissu pulmonaire. Dans la BPCO, on va distinguer deux choses, la bronchite chronique, donc les gens toussent et crachent, et puis on va distinguer un mot qui est assez connu, finalement, qu'on n'utilise pas, c'est l'emphysème. Et l'emphysème, ça décrit cette destruction du poumon par l'agression de l'inflammation du tabac, et qui va faire que le poumon va se raréfier. Ouais. Alors ces maladies justement et la BPCO, ça concerne combien de personnes en France à peu donc près? En gros, 6 millions d'asthmatiques, 3 millions de BPCO, peut-être 4 millions de BPCO, un peu plus. Donc c'est quand même dans l'ensemble une dizaine de millions de Français. Ouais. Et la première cause, très clairement là aussi, c'est le tabagisme. Alors pas pour l'asthme. Pour la BPCO. Pour la BPCO, c'est le tabagisme. Ouais. Oui. Il y a d'autres facteurs de BPCO, c'est indéniable. Il y a des facteurs d'environnement professionnel, il y a des BPCO professionnels, il y a des facteurs d'environnement domestique. Qui sont plus courants d'ailleurs dans d'autres pays que la France. En France, s'il n'y avait pas de tabac, la BPCO, ce serait presque une anecdote. Ouais. On va entendre justement un malade de la BPCO. C'était un extrait d'un documentaire diffusé sur France 3 en 2014. Je souffre de BPCO, de la bronchite chronique obstructive. Il faut absolument se dire que les symptômes de l'essoufflement de plus en plus fréquent pour des charges de moins en moins élevées, c'est pas normal. Donc les 14 marches d'escalier, ben, je les montais plus pour faire un effort. C'est comme si on respirait avec une paille. J'ai eu très vite l'oxygène. Bon, ce matin, je suis allé chercher mon pain à pied. Donc là, forcément, si je marche à 5 km/h, il me faut de l'oxygène. Je l'utilise pour faire du vélo en intérieur ou en extérieur, puisque depuis l'an dernier, je reprends le vélo en extérieur, et ça, c'est une vraie satisfaction de pouvoir refaire ce qu'on croyait ne plus pouvoir faire. Même si c'est un degré d'effort moindre, le plaisir est toujours là. On a réussi à me faire perdre 15 kilos, et je peux dire que dans la vie d'un BPCO, c'est phénoménal. Vous imaginez, vous prenez une charge de 15 kilos et vous montez les escaliers. Thomas Similowski, un commentaire sur cette maladie respiratoire très invalidante, quand même, on l'entend dans les propos de ce monsieur. Très invalidante. Alors, on parle souvent de mortalité, mais il faut vraiment, et ce que ce monsieur disait, c'est très intéressant, c'est très important, c'est le handicap. Ouais. C'est une maladie qui vous asphyxie à petit feu, sans jeu de mots, avant de vous tuer, et qui va vous rendre la vie impossible, qui va rendre aussi, on a entendu, le poids n'est pas 15 kilos, c'est pas un facteur de maladie respiratoire, mais si vous avez déjà un appareil respiratoire très altéré, bah, ces 15 kilos vont être très importants. Ouais. Ce que ce monsieur a dit aussi qui est très important, c'est qu'il a parlé d'exercice. Et dans la BPCO, je vous ai dit tout à l'heure, le poumon est très détruit par l'inflammation. Ouais. Et ça, on ne sait pas le réparer. Donc on s'est donné des traitements qui vont améliorer un peu les symptômes, mais le grand progrès qu'on a fait les 15 dernières années, c'est de comprendre qu'en réapprenant progressivement aux muscles des jambes à travailler, on pouvait refaire des efforts en consommant moins d'oxygène. Et du coup, ce qu'on appelle la réhabilitation respiratoire, qui est un ensemble de traitements dont le réentraînement à l'effort, ça donne des progrès très importants de qualité de vie qui ont été parfaitement bien décrits par ce patient. Malheureusement, en France, la réhabilitation respiratoire n'est pas très reconnue, pas prise en charge par la Sécurité sociale, sauf dans des cas très spécifiques, et du coup on a un manque d'accès à ce traitement, qui est un traitement très fort. Comment peut évoluer justement cette maladie ? Il peut y avoir quand même une réversibilité ? Alors, dans la BPCO, vous avez deux grands schémas. Soit on est très tard ou on continue de fumer. Et là, on va inexorablement s'aggraver vers l'insuffisance respiratoire, l'oxygène, peut-être la machine pour respirer à la maison. Et puis, il y a une autre trajectoire qui est on arrête de fumer, on est pris en charge, on a des traitements qui soulagent les symptômes et on peut espérer une stabilisation de la maladie. Ou en tout cas, une dégradation beaucoup plus lente. Alors, l'asthme, évidemment, il faut en parler. Anne Bergeron, il y a beaucoup de questions à ce sujet. Pierre-Antoine qui nous dit ceci, j'ai fait ma première crise d'asthme à 3 ans en Bretagne. J'étais allergique au pollen, au poil d'animaux, aux acariens. J'ai dû me rendre de nombreuses fois aux urgences à cause de crises sévères. Aujourd'hui, j'ai 39 ans et depuis de nombreuses années, je n'ai plus aucun symptôme. Alors ça, c'est les choses qui se terminent bien. Suis-je toujours asthmatique? Plus aucune crise ni allergie. Est-on asthmatique à vie? Alors, c'est sa question. Ah oui, je crois que oui, on est asthmatique à vie, avec des moments plus ou moins parlants au cours de sa vie. Peut-être que ce monsieur ne refera plus jamais de crise d'asthme, mais on a un terrain, surtout quand c'est un arthre d'origine allergique, on a un terrain atopique, c'est-à-dire qu'on a un profil de réponse immunitaire à des allergènes qui est en partie génétique qu'on garde évidemment à vie. Après, il y a des périodes, c'est-à-dire qu'on est souvent asthmatique, allergique dans l'enfance, et puis au moment de l'adolescence, il y a souvent une diminution, voire une disparition des symptômes qui peuvent réapparaître au cours de la vie, a fortiori quand on est à nouveau en contact avec des allergènes de façon importante. Ouais, donc ça, c'est vraiment des fluctuations qui sont bien comprises aujourd'hui, ces allers-retours ou comprises, je ne crois pas. En tout cas, enfin, vous dites présent sous nom des allergènes, donc finalement, ça influence aussi la crise. Oui, après, je pense que ce monsieur disait qu'il était allergique à la poussière. Je pense qu'il continue à être en contact avec de la poussière. Donc il a une réaction qui est plus ou moins importante. Je pense que si aujourd'hui on le fait inhaler de la poussière dans un sac, il va être gêné, il aura probablement un asthme plus ou moins sévère. Mais en tout cas, la réaction est plus ou moins importante au fil de la vie. Thomas Siminowski, comment on explique ces fluctuations alors pour les personnes asthmatiques? Ben, je pense pas, encore une fois, qu'on ait vraiment d'explication. Ce qui incite à la prudence, c'est quand on a été asthmatique, en fait, l'asthme, c'est d'avoir des symptômes. Ces symptômes, ils révèlent une propriété des bronches qui est de réagir plus ou moins fort, ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. Donc l'hyperréactivité bronchique, elle va être là toujours toute la vie. Et puis son expression va être conditionnée par ce qui se passe. Et donc par exemple, une bronchite aiguë, une grippe, chez ce monsieur qui n'a pas eu de crise d'asthme depuis X années, peut très bien faire redémarrer. Parce qu'il va y avoir cette espèce de déclencheur qui va faire redémarrer l'hyperréactivité bronchique. Les dangers de l'asthme, justement, traités dans Allo Docteur, c'était bien en 2018, l'année dernière. C'est une maladie chronique qui touche 4 à 5 millions de personnes en France. Tous les asthmatiques connaissent ces crises, intermittentes, souvent source d'angoisse. Tu expires. Regarde-moi. Des crises qui disparaissent, pour la plupart, après une prise de bronchodilatateur. Mais il y a aussi celles qui ne passent pas. L'asthme est une inflammation des voies respiratoires. Lors d'une crise, les bronches se rétrécissent. L'air ne passe plus. Le risque réel est alors un arrêt total de la respiration, une situation critique. Si le patient ne peut plus s'exprimer, c'est un critère de gravité extrême et il faut appeler le 15 et ne pas tenter de venir par ses propres moyens à l'hôpital. SAMU, pompiers, ce sont les réanimateurs urgentistes qui doivent intervenir en premier lieu. Non, pas de souci. Tous les asthmatiques sont concernés, que leur maladie soit sévère ou modérée. En France, l'asthme est responsable de 100 000 hospitalisations et de 900 décès chaque année. Quand même, Anne Bergeron, donc des décès liés à l'asthme. Il y a plusieurs problèmes en ce qui concerne l'asthme. On a des traitements qui sont efficaces pour une grande partie des asthmes qui sont en général plutôt bien contrôlés avec des traitements inhalés, soit bronchodilatateurs pour ouvrir les bronches associés à un traitement anti-inflammatoire, des corticoïdes inhalés. Il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème de compliance de ces traitements. Ce sont des traitements qui sont un peu contraignants parce qu'il faut les prendre tous les jours et puis qui contrôlent plutôt pas mal la maladie dans un grand nombre de cas. Et donc on pense qu'on est guéri, on arrête le traitement. C'est ça, et la compliance alors? Voilà, ouais. C'est le fait de prendre son traitement tous les jours et de se dire que c'est parce que je prends le traitement que finalement ma maladie va bien. Donc il y a ce problème avec des crises qui sont ce qu'on appelle l'asthme aigu grave, comme le décrivait ce monsieur tout à l'heure. Et donc ça, c'est un des risques importants. Ensuite, dans les facteurs allergiques, si on a un contact important avec un allergène, ça peut effectivement déclencher une crise sévère, et ce malgré la prise d'un traitement correct. tout ça peut mettre en danger le patient, ça c'est sûr. En tout cas, il faut une prise en charge médicale urgente dans ce, ouais, dans ce contexte-là. Thomas Simidowski, donc il ne faut pas hésiter à appeler le 15, effectivement. Hein. Oui, quand j'étais interne, je n'ose pas vous dire il y a combien de décennies maintenant, en réanimation, on avait des asthmes dans des états catastrophiques plusieurs fois par semaine, ce qu'on appelait l'asthme aigu grave. Et puis, une politique a été mise en place consistant, dès que le SAMU recevait un coup de téléphone et que le mot asthme était mentionné, on envoyait directement une ambulance médicalisée sur place pour accélérer la prise en charge médicale. Ça a fait chuter de 80% en quelques années la mortalité aiguë de l'asthme. Et donc, c'est un message qui persiste. Un asthmatique, quand on lui fait une ordonnance, on décrit son traitement de fond, qui va prendre tout le jour, comme disait Anne. Et puis on lui dit, si vous avez besoin de respirer, vous prenez la célèbre Ventoline, par exemple. Et on lui dit, vous en prenez une fois, vous en prenez deux fois, vous en prenez trois fois, si ça passe pas, appelez un médecin. Donc c'est vraiment le message. Dès qu'un asthme prend une tournure qui n'est pas habituelle, commence à résister au traitement, il faut très vite appeler le médecin. Première cause d'absentéisme scolaire, hein, c'est oui, ça ? C'est la maladie la plus fréquente de l'enfant. Ouais. C'est la seule maladie qui est aussi fréquente chez les enfants. Et la pollution atmosphérique, alors, évidemment ? Aggrave les choses, très clairement. Si on reprend les enfants et qu'on regarde l'asthme de l'enfant, on a un gradient. Un gradient, ça veut dire que la fréquence va de très haute à moins élevée à mesure qu'on s'éloigne des axes routiers. Ouais. Dominique sur franceinter.fr demande pourquoi est-ce qu'on plante des platanes à Paris alors que c'est l'arbre le plus allergisant qui existe ? Vous avez une réponse à cette question ou pas ? Et dans votre émission, il y a un joker ou pas ? Bah écoutez, vous avez le temps de réfléchir, mais vous devrez y répondre juste après cette petite pause musicale. Les âmes se dissipent en abysse, lavées comme après la mousson. Plus de sommeil, plus de sommeil. Dans cette ville, il y a des travaux partout. Cernés de pommes analogues, je rampe la tête à l'envers. Puis il y a tout ça, les visages. Techno-futur, rétro-futur, donne tes données, je te donne mes données. Donne tes données, je te donne mes données. Monte ton visage, je te montre mon visage. Je pars au cortège et les cris. Bris de vitrine et les masques. Je prends les pavés, je lance les pavés. Je prends les pavés, je lance les pavés. C'est intimidant, le Léviathan. Sous la mer, c'est calme. C'était Cyril. La tête au carré. Quand on voit Annick Prudhomme monter ses escaliers, difficile de croire qu'elle souffre d'asthme sévère. Pourtant, il y a 15 ans, c'était une épreuve. Mais c'est vrai que je montais, il fallait que j'attende, et comme ça jusqu'en haut. Et des fois, je ne pouvais même pas monter jusqu'en haut. Apparue à l'adolescence sans raison, l'asthme lui a gâché la vie pendant 30 ans. À la fin, vraiment, j'étais devenue une handicapée respiratoire. C'était pas vivre en fin de compte, c'était vivoter. à petite respiration, quoi. On essaie de s'économiser. Une vie à l'économie aujourd'hui derrière elle. Ça, c'est mon traitement de fond que j'ai maintenant depuis que je suis stabilisée depuis des années. Grâce à une bonne prise en charge, opération des sinus et médicaments, Annick ne se sent plus malade. Et ce qu'il adopte, c'est le sport. Avant, il n'était pas question de même de pédaler. Mais là, maintenant, ça ne me pose aucun problème. Tant que je peux pédaler en parlant, c'est bon. Un mieux-être dans la tête et physique. Là, je m'essouffle, mais c'est tout à fait normal. Hein. Mais maintenant, j'ai récupéré à 100% ma capacité respiratoire. En prenant des précautions, notamment un bon échauffement, la retraitée parcourt une cinquantaine de kilomètres plusieurs fois par semaine. C'est la sensation de liberté. Voilà, c'était en 2014 sur France 2, une dame qui va mieux avec son asthme. Alors juste une petite parenthèse pour terminer peut-être avec l'asthme, Anne Bergeron. On entendait parler d'opération des sinus là dans ce sujet. Ben, les sinus, c'est aussi les voies respiratoires hautes et la muqueuse est similaire à celle des bronches. Il y a très fréquemment dans énormément de maladies respiratoires et l'asthme en premier lieu un lien entre les pathologies inflammatoires des sinus, les polypes par exemple, et la maladie allergique. Et quand l'un va mal, l'autre va mal. Et surtout quand les sinus vont mal, l'asthme va mal. Donc il est important de traiter les deux. Thomas Similewski, Chantal demande sur franceinter.fr, quand on a le souffle court, est-ce qu'il faut nécessairement faire des tests d'effort? Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière l'expression « le souffle court ». Encore une fois, si ce souffle est court dans des activités qui, auparavant, ne le provoquaient pas, la réponse est « il faut faire une mesure du souffle ». Les tests d'effort, ça fait partie des mesures du souffle qu'on peut faire. Avant de faire des tests d'effort, on va déjà commencer par des trucs très simples, ça s'appelle la spirométrie. Enfin, déjà mesurer le volume que l'appareil respiratoire peut déplacer, la vitesse à laquelle ça circule. Et puis, effectivement, après, on peut faire un test d'effort. Muriel nous dit qu'elle a été diagnostiquée à 38 ans d'asthme d'effort, alors que pendant toutes ces années, elle a cru bêtement qu'elle ne savait pas respirer en courant. Jamais pu faire de l'endurance au collège, mais aucun prof de gym ne m'a jamais considéré comme malade, mais plutôt comme la feignante du groupe qui ne voulait pas faire d'effort. C'est mon généraliste qui m'a envoyé chez un pneumologue parce que les balades en montagne avec les copains étaient vraiment trop douloureuses. Donc là aussi, diagnostic très tardif. Oui, et l'asthme d'effort peut se manifester. L'asthme a une forme très typique, c'est, on dit, ça siffle dans la poitrine, je me réveille la nuit et ça siffle dans la poitrine. Ça, c'est la forme caractéristique. Mais il y a beaucoup de formes qui sont très différentes et qui peuvent se manifester juste par un essoufflement ou juste par une toux et qui peuvent être strictement liées à l'effort comme cela. Donc cette histoire-là, elle est triste pour cette dame. Heureusement qu'elle a été diagnostiquée et traitée, mais elle est très banale. On a souvent des histoires similaires. Et heureusement, elle est encore jeune à 38 ans, donc tout va bien. Ouais. Anne Bergeron, les maladies rares, les maladies respiratoires rares sur lesquelles vous travaillez, alors elles sont très nombreuses là aussi. Hein. Elles sont très nombreuses. Hein. Je travaille pas sur toutes, hein, je vous rassure. Oui, oui. Il faut une expertise très particulière pour chacune. Mais elles sont, comme on disait tout à l'heure, hein, elles peuvent atteindre soit les bronches, c'est en particulier la mucoviscidose. Elles peuvent atteindre le poumon profond, sont les maladies interstitielles. Donc c'est plus mon domaine d'expertise. Elles peuvent atteindre les vaisseaux, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Et beaucoup de progrès. Il y a une politique en France qui a permis d'améliorer le financement de la recherche dans ces domaines-là. Il y a un certain nombre de progrès dans toutes ces maladies. Ouais, mais c'est des centaines d'affections différentes quand même. Hein. Ah oui, donc clairement. C'est très nombreux. Comment on avance justement sur le terrain de la recherche là pour ces maladies rares? Ben chaque spécialiste de chaque maladie rare travaille dans son domaine d'expertise. Il y a en France une filière de maladies rares respiratoires qui s'appelle Respifil, donc une association de pneumologues travaillant dans des maladies rares différentes qui se sont associées pour essayer d'être plus visibles et de travailler ensemble sur ce type de maladie, faire avancer la recherche. Il y a des financements qui sont dédiés maladies rares avec des plans maladies rares ministériels qui ont été instaurés. Ouais. L'hypertension artérielle pulmonaire, ça fait partie de ces maladies rares aussi? Ouais. Ouais. Tout à fait, qui peuvent avoir différentes origines. Le plus souvent, quand elles sont maladies rares, elles sont considérées comme idiopathiques. Elles peuvent être, on a identifié un certain nombre de facteurs génétiques qui peuvent favoriser la survenue d'une HTAP. Ce sont des pathologies qui sont extrêmement sévères. Puis il y a d'autres hypertensions artérielles pulmonaires qui peuvent être secondaires aux autres maladies respiratoires en raison de la diminution de l'oxygène. C'est une réaction qui dépasse la réaction physiologique. Ça peut être aussi associé à d'autres types de pathologies. Mmh. Le médiateur, ça a été justement le médicament qui a aussi posé ces problèmes d'hypertension artérielle pulmonaire, hein, en particulier. Le médiateur et d'autres médicaments qui, effectivement, ont fait identifier un groupe d'hypertension artérielle pulmonaire d'origine médicamenteuse. Les traitements, les avancées de la recherche, Thomas Similowski, selon les maladies, on essaie évidemment de corriger les anomalies, de trouver la cause, le symptôme. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur ces maladies qui explosent littéralement? Globalement, comme le disait Anne, dans chaque maladie, il y a des équipes de recherche, des crédits de recherche qui vont chacune progresser dans leur domaine. Là où la recherche reste encore un petit peu balbutiante, c'est une fois qu'on a échoué, malheureusement, à corriger la cause, et qu'on ne peut pas guérir le poumon qui a été détruit, qu'on ne peut pas le remplacer, on se trouve face à des patients qui sont essoufflés quand même, alors qu'ils ont tout le bon traitement, tous les bons médicaments. Et donc la recherche sur le symptôme lui-même reste quelque chose qu'il faut développer. Il y a peu d'approches médicamenteuses, il y a des approches non médicamenteuses, il y a traiter la personne et pas seulement la respiration. Hein. Il y a un cercle vicieux très fort entre l'anxiété, la dépression et la respiration. On peut améliorer la situation des gens en allant chercher un petit peu du côté du cerveau plus que du poumon. Ça, c'est un domaine de recherche qui, malheureusement, contrairement aux autres domaines de recherche respiratoire, n'est pas encore assez développé. Ouais, justement, une question, Anne Bergeron de Chantal, qui vous demande ce que vous pensez de l'influence des angoisses, des inquiétudes, du sentiment d'anxiété sur l'apparition des crises d'asthme en particulier, mais sur l'ensemble des maladies respiratoires d'ailleurs. C'est ce que disait Thomas. En fait, il y a un cercle vicieux. C'est-à-dire que le fait de mal respirer induit une angoisse et l'angoisse induit une difficulté respiratoire. Et il est vrai que l'anxiété, en tout cas les crises d'angoisse, où l'anxiété est un facteur reconnu de déclenchement d'une crise d'asthme chez quelqu'un d'asthmatique, c'est pas des nouveaux. Une dernière question de Magali, pardon, parce qu'il y a beaucoup de questions autour du poumon et du cancer du poumon. Suite à un cancer, dit-elle, un ami s'est fait opérer, on lui a enlevé un poumon il y a environ un an. Il est toujours plus ou moins essoufflé, souvent très fatigué. Est-ce qu'il peut y avoir des méthodes qui pourraient améliorer sa respiration? Déjà, il faut savoir pourquoi il est essoufflé. Ça dépend si on lui a enlevé une grosse partie du poumon qui a limité sa capacité respiratoire, ou si c'est parce qu'il est entre guillemets désadapté à l'effort, comme disait Thomas, une réhabilitation à l'effort pourrait être favorable. Ça dépend. La première chose, c'est de savoir pourquoi il est essoufflé. Et puis bien sûr le souffle.org, Thomas Similowski, on peut quand même citer ce site internet dont vous êtes le vice-président, c'est une fondation, hein, bien sûr. C'est ça, du souffle. Donc la fondation du souffle, c'est une fondation reconnue d'utilité publique, son motto c'est respirer un air pur avec des poumons sains, c'est aussi lutter contre la souffrance respiratoire en finançant la recherche, donc on peut visiter le site, on peut faire des dons. Si on veut se rendre compte de ce que c'est qu'une maladie respiratoire, c'est pas si évident, hein. Vous avez eu mal, tout le monde a eu mal, tous les gens qui nous écoutent ont eu mal, mais manquer d'air et avoir l'impression qu'on va mourir, c'est pas le cas de tout le monde. C'est très facile de se mettre en phase avec les patients. Vous prenez une paille, vous bouchez le nez, vous restez assis sur votre chaise et vous voyez combien de temps vous pouvez tenir. Et vous allez voir que c'est très court, alors que vous savez que ça va s'arrêter, alors que les patients ne le savent pas. Et donc ça, c'est vraiment le combat de la Fondation du Souffle. 92 792 5 euros. Par SMS. Et c'est lesouffle.org. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans la Tête au Carré. Merci aux auditeurs pour les questions. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Et vous revenez aujourd'hui sur la polémique de la nouvelle formule du Levothyrox. Oui Mathieu, saison 2, épisode 1. Alors rappel des épisodes précédents. En 2017, le laboratoire Merck commercialise une version modifiée de son médicament Levothyrox, une hormone thyroïdienne utilisée par 3 millions de Français. L'ancienne formulation n'était pas assez stable et perdait un peu d'efficacité avant la date de péremption du médicament. Et de nombreux utilisateurs se sont plaints. Oh oui. Ils ont ressenti des troubles variés lors du passage de la nouvelle formule, mis sur le compte d'un dérèglement hormonal par les médecins et les autorités sanitaires. Alors, attention, hein, ils étaient nombreux dans l'absolu, mais 10% de 3 millions, ça fait 300 000. La grande majorité des utilisateurs de Levothyrox n'ont eu aucun problème. Alors, il y a clairement eu des erreurs autour de cette modification, et l'agence du médicament n'a communiqué qu'auprès des médecins, avec une lettre très rassurante sur les conséquences de cette modification. Les médecins en ont peu ou pas parlé à leurs patients, et c'est donc après avoir subi un dérèglement thyroïdien souvent pénible, que des centaines de milliers d'utilisateurs ont découvert que leur médicament avait changé. Moi, je trouve leur colère parfaitement compréhensible, d'autant qu'à l'époque, le Levothyrox était le seul médicament en comprimé disponible en France pour corriger un déficit en hormone thyroïdienne. Bon, ça s'est arrangé quand même, non ? Oui, pour la majorité d'entre eux, tout est rentré dans l'ordre après une adaptation posologique laborieuse, car il faut parfois plusieurs mois pour retrouver le bon dosage. Alors, entre-temps, l'Agence du médicament a encouragé la commercialisation en France de concurrents du Levothyrox. Mais quelques milliers d'utilisateurs ont décrit des troubles persistants malgré l'adaptation éventuelle de la posologie ou un changement de médicament. Particulièrement virulents, ils ont mis en cause les excipients contenus dans les comprimés qu'ils soupçonnent d'être toxiques malgré les analyses rassurantes de l'Agence du médicament. Des procès ont même été intentés aux fabricants et à l'agence. Alors, les médecins invoquaient plutôt l'effet nocebo induit par le buzz médiatique, c'est-à-dire le miroir en négatif de l'effet placebo. Et donc, devant cette situation particulièrement confuse, j'attendais un élément important. Lequel ? Eh bien, l'impact de la commercialisation du nouveau Levothyrox dans d'autres pays, et notamment en Suisse, où il a remplacé l'ancienne formule depuis plus de 6 mois. Et alors ? Eh bien alors, il s'est quasiment rien passé. La substitution entre l'ancienne et la nouvelle formule a nécessité des ajustements de posologie, mais aucun buzz médiatique, aucune mobilisation de patients. Mais vous êtes sûr que c'est vraiment le même, Dominique ? Oui, je m'en suis assuré auprès du laboratoire. La composition est strictement identique à celle commercialisée en France et provient de la même usine. Mais comment on explique ça alors ? Ben, beaucoup de facteurs sont sans doute entrés en jeu. Une meilleure information des patients par les médecins, du fait qu'il y avait d'autres médicaments disponibles en Suisse, et sans doute ce fameux effet nocebo dont je vous parlerai la semaine prochaine, car il peut concerner tous les médicaments. Eh bien, on y reviendra dans Santé Polémique, qu'on peut réécouter sur franceinter.fr. À mardi prochain, Dominique. 8 potes, un lieu, ni ville, ni cité, et l'ennui à habiter. Un canapé, des clopes à cendrer, des rêves à espérer. Une écriture transcendée par l'oralité. Fief est un livre d'exception d'une précision millimétrée qui se lit en une seule respiration. Fief de David Lopez, prix France Inter, maintenant en poche chez Point. Bonjour, c'est la nature qui vous parle. Je ne suis pas en grande forme, mais j'ai enfin une bonne nouvelle. Depuis le 1er janvier, il est interdit aux particuliers de détenir et d'utiliser des pesticides chimiques dans leur jardin. Ça va nous permettre de respirer un peu. Si vous détenez des pesticides chimiques, il suffit de les déposer gratuitement dans l'une des 3000 déchetteries municipales. Pour trouver la déchetterie la plus proche, rendez-vous sur ecodds.com. Ecodds est une société agréée à but non lucratif qui collecte vos déchets chimiques. Fabrice Drouel, bonjour. Bonjour Mathieu Villard. Le programme d'affaires sensibles. Second volet de l'histoire tragique du Saint-Louis, ce bateau qui devait emmener 900 juifs, un peu plus de 900 juifs en 38, les exfiltrés d'Allemagne pour les protéger, qu'ils aillent aux États-Unis. Ils n'ont jamais trouvé de terre d'accueil. Ils sont revenus en Europe. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Ce sera dans un instant. Merci à Nicolas Cazot qui était à la technique. Vous écoutez France Inter, il est 15h.